Allez, on est de retour dans Gironde Analyse, RIG90.7 FM, RIGFM.fr. On est ensemble jusqu'à 23h. On va attaquer la deuxième heure de l'émission, messieurs. Avant ça, on a une remarque pour toi, Adrien, sur le chat. On a Memo qui nous dit, je pense que c'est au match. Le monde de Memo. Qui nous dit, je pense que c'est à propos du match des féminines dimanche, qui nous dit, bah, vas-y avec ton masque de Poco. Ah oui. Ça serait tellement bien, ça, mon gars. Pointe au stade avec ton masque de Poco. Mais Seb, il te protège, promis. Des matchs en direct, messieurs. Il y a deux matchs de Ligue 2 ce soir. Un qui est terminé, c'est AC Ajaccio, Gazélec Ajaccio. L'ACA a gagné 1-0. Et le match a fini à 10 contre 10. Actuellement, à la 62e minute de jeu, Lens 3e. C'est le match de la montée pour les Lensois, puisqu'ils jouent face à Strasbourg qui est premier. Et il y a toujours 0-0. Et en Angleterre, un match pour la 36e journée du championnat anglais. Et Chelsea, après 50 minutes de jeu, mène 2-0 face à Middlesbrough au 19e, début de Diego Costa et de je vois rien, Alonso. Voilà, je vous épargne Leganés, Betis, Séville et Estoril, Chavez au Portugal. Et je vous épargne aussi le championnat turc et le championnat russe. Alors, messieurs. Voilà, le petit coup de sifflet qui va bien. C'est la mi-temps. C'est la pause fraîcheur. Alors, messieurs, on va continuer le déroulement de cette émission en parlant de, je sais plus d'ailleurs, je suis perdu. Qu'est-ce qu'on a dit ? Les prolongations. Alors, il y a l'info est sortie dans Sud-Ouest cette semaine, enfin la semaine dernière plutôt. Oui, c'est ça. Comme quoi, les reconductions les joueurs qui arrivent en fin de contrat, les reconductions ne seront traitées qu'en fin de saison et pas avant. Donc, ça inclut Carasso, Belé, Pelnar, enfin bon, bref. Voilà, c'est une info Sud-Ouest. Après, on y croit, on y croit. Et donc, on vous a posé la question sur Twitter de savoir si vous trouviez ça irrespectueux, logique, ou bien est-ce que c'est juste pour vous de la com, hein, de la part du club qui, voilà, bon, c'est pour calmer un petit peu tout le monde. Et bien, 46% d'entre vous ont trouvé cela logique, 25% ont trouvé ça irrespectueux et 29% ont trouvé que c'était que de la com. Messieurs, déjà, on va évacuer la question de logique ou pas logique. Bon, il me semble quand même que Bordeaux, voilà, il y a de la pression puisque Bordeaux joue, même si, comme disait Cyril tout à l'heure, maintenant le seul suspense c'est de savoir si Bordeaux va finir 5e ou 6e, mais il y a quand même un enjeu qui est financier aussi pour le club. Je trouve ça assez logique finalement d'attendre la fin de saison pour l'annoncer officiellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de fait en coulisses, mais pour l'annoncer officiellement, pour ne pas déstabiliser peut-être voilà, un Carasso, ou voilà, d'attendre la fin de saison. Tu fais une moue dubitative, Thomas. Je te sens. Oui. Non, mais je sais pas. Pour moi, c'est vraiment le gros coup de com, voilà, des Girondins, bien sûr. Comme tu le dis, faut pas perturber l'équilibre du groupe. Mais au fond, tous les joueurs le savent. Voilà, on sait très bien qui va partir, qui va rester. Tout est acté. Après, voilà. Nous, on parle pour l'annoncer officiellement, tu vois, pour voilà, acter. C'est à souhaiter qu'ils le savent. Comme l'a fait Paul Bayes, par exemple, hier soir. Bon, Nice a plus rien à jouer. Voilà, le mec qui dit je me barre. Bon, voilà, c'est hop, c'est acté, moi, terminé. Il faudra attendre le match de Marseille pour avoir une éventuelle réaction de la part des dirigeants bordelais. Ça semble plutôt logique. Le match de Marseille, c'est surtout l'ultimatum pour l'Europe. Donc voilà, on attend beaucoup de ce match. En un seul mot, hein, pas ultime atom. Ultimatum. On a seul mot, ultimatum. Non, c'est pas grave. Non, j'ai... Je connais, faut savoir ce que c'est un atome. Olive atom. Je connais Olive atom. Il y a l'atome de Savoie aussi. C'est très bon. Et l'atome crochu. Et l'atome crochu. Voilà, je crois qu'on a tout fait. On est plutôt pas. Ici, on passe un peu. Tom Tom et Nana. Voilà, ça aussi c'est fait. Allez. Bon, bah, on va passer au C'est Kiki. Oula, d'ailleurs, faut que je le prépare. Non, tiens, prépare. Allez, acharnez-vous là-dessus. Préparation du C'est Kiki. Allez, Adrien. Ce que je trouve pas normal, tu veux... enfin moi du coup moi je rejoins pas parce que clairement cette hypocrisie pour moi ça dessert l'équipe quoi. C'est-à-dire que sur ce match-là on sait que ça va être les 40 ans, ça va être un match à pression. Ça aurait été bien de mettre un petit côté émotionnel en plus et pas que sur la pression de l'invincibilité, ça aurait été un petit peu détourné la pression des supporters et faire un événement autour de ce match autre que cette invincibilité là parce que du coup là on est que sur ça. Si jamais on se rate, il n'y a rien d'autre. C'est à dire que ça aurait pu être les adieux à Carasso, c'est un secret de Polichinelle, il y a peut-être Je sais, à Bordeaux, les 99% de chance, en général, ça foire. Mais récemment, ça a beaucoup foiré. Ouais, sur ces deux dernières saisons. Donc, je ne vais pas dire. Mais il y a quand même forcément beaucoup de chance pour que Carrasso s'en aille. J'espère que le club lui a déjà communiqué ses intentions. Parce que quand même, à deux semaines de la fin du terme du championnat, ça serait quand même gravissime que le club n'ait toujours pas décidé. Donc du coup, je pense que ça aurait été bien qu'il crée ça, et je pense que ça aurait été bien que ça soit pas qu'un événement du virage sud, mais vraiment un adieu comme on avait pu faire pour Ramé sur Carrasso, alors sans le sortir comme on avait fait pour Ramé et compagnie, mais il aurait pu avoir quelque chose de festif pour le récompenser un petit peu de tout ce qu'il a donné au club pendant toutes ces années. Voilà, alors c'est peut-être moi qui me fais un petit peu, qui ai une vision un petit peu utopique, c'est encore, non, du monde professionnel, mais le problème c'est que à ne pas faire ça, on se retrouve, nous supporters, uniquement fixés sur cette invincibilité là. À un moment donné, on sait qu'elle va tomber, mais du coup là, cette année, c'est quand même le chiffre rond, c'est 40 ans, donc tu te dis quand même, ça serait bien con de perdre à 39 et pas aller à 40. En dernier, 41, c'est sachant que 41, tu t'en fous, en fait, tu t'en fous pas, c'est quand même. Mais par contre, c'est pas pareil que 40 ans. Sachant quoi. Qu'on le répète tous les ans, ça va tomber. Voilà, il y a forcément un jour, une année où ça va tomber. En plus, là, on n'a pas Yann Béret. On en reparlera vendredi. On va pas faire Plus. On va pas faire l'avant-match maintenant, mais voilà. Non, mais voilà. Mais j'aurais aimé que justement qu'il y ait justement un détournement un petit peu. Parce que je peux pas croire que le club n'ait pas communiqué à Carrasso, que Carrasso ne connaisse pas ses intentions. Carrasso doit les connaître depuis peut-être une, deux, trois semaines. Donc on voit bien que ces sorties sur le terrain sont de très très bonne qualité. Donc ça ne le perturbe pas plus que ça. Au contraire, ça a l'air de le motiver. Donc je vois pas où est le problème. Mais c'est vrai que c'est pas choisi. Et après, je sais pas si le club n'a pas. Alors pour Carrasso, c'est un dossier compliqué. Il n'y a que Carrasso, parce que les autres, on va. Mais Maurice Bollet, voilà. C'était annoncé aussi. Moi, il y a un joueur pour lequel j'ai beaucoup de la peine, au moins autant que Carrasso, c'est Maurice Bollet. Mais oui, mais on ne va pas se mentir. Maurice Bollet, Maurice Bollet, avec son problème au genou, ça fait 18 mois qu'on l'a perdu de vue. Alors, on a un côté sympathique pour lui, mais on s'est habitué à son absence. Oui, mais il sera peut-être prolongé comme a été prolongé le Traoré. Je ne pense pas. Mais pour être un cadre mais après c'est possible, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil que Carrasso, qui est le joueur qui était un petit peu style équipe de France, qui avait un niveau d'international à tous les moments. Même quand Bordeaux allait mal, c'était quand même le repère. Ça a toujours été quelqu'un qui a pris ses responsabilités, qui a toujours été plutôt droit. Il a eu des phases aussi où il était aussi un petit peu. Il a toujours eu reconnu, par contre, ses. Les deux dernières saisons, il était moins bien. Il n'a jamais fui devant ses responsabilités. Il n'a jamais fui devant ses responsabilités et devant ses actes. Enfin, il n'a pas fui devant ses actes, mais. Mais en termes de pourcentage d'arrêt. Enfin, je me comprends, c'est pas vous, mais. Si, on t'a compris. Enfin, je me comprends. Il n'y a qu'Adrien qui m'a compris, c'est ça qui est grave. J'ai un Google Traduction. Ça m'étonne pas trop. C'est qu'il y a moins de cheveux, ça met moins de temps à pénétrer. Oh merde. Je veux rien pénétrer du tout chez Adrien. Voilà. Je ne comprends pas ces blagues. Alors on va passer. Je suis tellement pire. On va peut-être passer à la suite. Oui, Adrien, après, tiens. Je pense que les Girondins veulent faire signer Costil et c'est presque sur 200% qu'ils viennent. Mais je pense qu'ils n'ont pas. Ils essayent de tout faire pour convaincre Carrasso de rester en tant que numéro 2. Et ils essayent à fond. Je suis sûr qu'ils essayent à fond. Avouez que ça aurait de la gueule de faire comme quand Carrasso est arrivé, à savoir Carrasso 1, Ramé 2. Là, si t'as Costil 1, Carrasso 2, ça a quand même de la tronche. Je pense qu'il faudra lui promettre de jouer plus de matchs que Ramé n'en a joué. Mais c'est dans l'intérêt du président. Tu sais, quand t'es nouveau président, je pense que. Le premier objectif, c'est d'abord de se faire aimer des supporters. Et ça va être un gros défi pour Martin. Donc ça va passer par le dossier Carrasso. On va voir s'il va réussir à le convaincre, mais ça semble Ah, après, ça serait compliqué, mais ça peut être. C'est injouable. C'est... Non, mais. Tu vois son niveau, non, comment, tu veux faire comment tu veux lui faire admettre d'être numéro 2. Mais c'est après, facile. C'est une. Bah oui, mais. Il a vécu ça, lui, en tant. C'est l'arroseur arrosé. C'est lui, quand il est arrivé, il s'est passé la même chose pour ramener. Mais après, c'est. Mais lui, il a peut-être envie de jouer. C'est, ça dépend ce qu'on lui promet. Si on lui promet juste les coupes nationales et qu'on n'est pas qualifié en Coupe d'Europe, pour moi, il faudrait qu'on lui partage le championnat. Si on lui dit Kostic va jouer tout le championnat et toi, de toute manière, il connaît l'équipe, les automatiques, enfin la complicité entre les joueurs, il aura. Hein, comment il s'en sort avec une pirouette grammaticale Non, mais la complicité avec les joueurs, il l'aura. Donc, si. De toute façon, Stéphane, si tu nous écoutes, je pense bien que l'émission. Tu peux lui convaincre. Oui, déjà, bien l'émission. Déjà. Allez, on se fait un petit barbec. Ça sera un point positif par rapport à ton prédécesseur. Tu auras déjà fait un truc de plus que lui. Jean-Louis, si tu nous écoutes aussi. Voilà. Viens aussi. Tu auras fait mieux que ton prédécesseur. Bon, il est mort avant, le pauvre. Et puis l'émission n'existait pas. C'est sûr. Il n'est pas mort. Je pense à Claude Baze, oui, il y avait Flou aussi. Il y a même l'ange qui est pas mort. Alain et l'ange. De toute façon, l'émission n'existait pas. Si vous nous écoutez. Venez à l'émission, vous aurez mieux fait que votre prédécesseur. Père son âme. Oui, et donc. Si on lui propose coupe, toutes les coupes, c'est-à-dire même la Coupe d'Europe. Alors moi je vais te dire un truc, Kostil, tu lui enlèves la Coupe d'Europe, il a plus aucun intérêt à venir à Bordeaux. Ah, autant qu'il reste à Rennes. C'est clair, autant qu'il reste à Rennes. Mais non, non. Bah si non, parce qu'il propose. Non, mais à un moment donné. C'est le suicide du football. Mais, alors maintenant, je suis d'accord avec vous, Carasso, il est compagnie, il a fait très très bien. Mais on parle quand même du numéro 2 de l'équipe de France. Clair. Tu fais venir Kostil. Je suis désolé, Carasso, merci. C'est clair. Franchement, on te fait un au revoir de fou. Et gratuit. Ouais, on te fait un au revoir de fou. On te souhaite bonne continuation. Va à Montpellier. Va à Rennes, va où tu veux, sauf à Marseille. C'est ça. Et puis on est content. Va même à Nice. Même à Nice. Je suis persuadé que Cardinal, il fait. Je suis persuadé qu'il est meilleur que Cardinal. Tu vois. Mais question là pour Seb. Tu penses Seb, toi qui. Je pense pas moi. Avec les ultramarines. Je pense pas. Non mais il est pas qu'un contact. Si. Il est le cerveau. C'est l'émir. On va peut-être pas s'emballer non plus. J'aimerais bien être l'émir. Ça veut dire que je serais pété de thunes, mon gars. Et c'est une pièce maîtresse. Inch'Allah un jour. Inch'Allah. Peut-être un oncle. Choucrane la population. Ouais, une tante. Oui. Franchement, si Carasso il devait revenir à Marseille, comment le prendrais-tu Moi, à titre personnel, et honnêtement. Les ultramarines, tu penses Non, je pense que les ultramarines, j'en sais rien. Par contre, moi, à titre personnel, si Carasso devait retourner à Marseille, personnellement, il vient de Marseille, il a été formé là-bas. C'est son cap de cœur. Ça me dérange moins qu'un mec. Qui est bordelais par exemple et qui serait parti à l'intersaison. Ça me dérange moins, mais par contre j'aurais quand même un travers de la gorge. Honnêtement, je m'en fous. Si Bordeaux, honnêtement, je m'en fous. C'est quelqu'un pas qui lui cracher dessus. Franchement, le mec a donné 7 ans. Le mec a donné 8 ans de sa vie et de sa carrière aux Girondins. Il peut repartir. Je m'en tape. Il vient de Marseille. Il a été formé à Marseille. Il est d'Avignon quand même. C'est le mec qui va trouver qui lâchera rien. T'sais. Ouais, enfin, quand même. Il insiste. Son arrière-grand-père est des quartiers nord, quand même. Enfin, déconner. Enfin, moi, si tu me que mon avis à moi, perso, oui, qu'il y retourne, qu'il finisse là où il a commencé, ça me poserait aucun problème. Mais par contre, sur Carasso, alors, le doute qu'on a, en fait, par rapport. Moi, le seul doute que j'ai sur Kostil, c'est est-ce qu'il arrive à avoir l'impact qu'a Carasso ? C'est-à-dire pas simplement dans le jeu, hein, c'est vraiment dans la façon de manier sa défense et tout oui, ça. Mais quand c'est le capitaine de Rennes. Mais tu t'en rappelles peut-être pas, mon petit garçon, parce que t'étais jeune et que t'avais 14 ans. Mais quand Cédric Carasso arrive au Girondins de Bordeaux, on a les mêmes questions qui se posent. Mais c'est pour ça. Kostil est capable est sûrement capable de passer ce cap. Sans problème. En plus, il est capitaine à Rennes. T'es gardien numéro 2 des Bleus. Je pense que tu sais comment gérer une défense. Dans une autre dimension. Mais une bonne défense. La défense de Rennes, c'est autre chose. Comment tu gères Contento, c'est différent. Mais franchement, vous imaginez si on fait Kostil gratuit et Baze gratuit. Franchement, on fait tout là. Sachant que l'année dernière, t'as fait Ménès gratuit, t'as fait. T'as fait tout la langue gratuit. Là, vous partez trop loin. On est bien. On est très très bien. On est des voleurs. Quoi. Non, vous partez, vous partez beaucoup trop. Voilà. Alors, en partant de partir loin, puisqu'il est 22h20, on va se garder 20 minutes pour le Sekiki que je viens de terminer. Il est tout chaud. Voilà, je viens de finir de le préparer. On va passer au débat sur, je sais plus d'ailleurs du tout ce que c'était. Oui, sur Bordeaux. Hop là, voilà, il est là. Donc, en cas de sixième place, donc vraiment en cas de catastrophe, c'est-à-dire on perd contre Marseille et on perd contre Lorient, parce que grosso modo, si pour être sixième... Match, si tu fais match, match contre, contre Marseille et tu gagnes et eux, ils gagnent, voilà. C'est pareil. Donc, mais si Paris gagne pas, moi ça me ferait rire. Si Marseille est sixième, mais Paris gagne honnêtement, pas. On aurait quand même... Franchement, si Marseille est sixième à la fin du championnat, on aurait quand même la choucoune. Non, mais lui, ça me fait rire. Mais ce mec-là, c'est... Non, pas pour nous qu'on soit pas sixième, que Marseille soit sixième et que le SCO gagne. Vous imaginez le Paris Saint-Germain, déjà, qui va pas être champion de France. Vous imaginez Paris laisser filer la Coupe de France. Il perdra en temps. Non, je pense pas. Je pense pas. Non, mais ça serait... Ça va être dur, ça va être compliqué. À moins de 5-0, c'est une victoire du SCO. Ah ouais, t'imagines, il y a 4-0. Ouais, bah tenez, bravo, félicitations. Ça serait drôle. Rigolo. T'imagines à 4-0 le discours de fin de match de Moulin, mon gars. Ah, c'est la victoire d'un groupe. Je crois que ce titre, on l'a tous mérité. Je voudrais remercier les supporters d'être venus en nombre. On s'est tous battus pour l'avoir. Merci au PSG d'avoir été un valeureux adversaire. Non, mais à un moment donné. Donc, la question, elle est très simple, messieurs. Est-ce que si Bordeaux finit 6ème, est-ce que Bordeaux aura fait une bonne saison, sachant que quand même, pour replacer les choses dans le contexte, faut quand même pas oublier parce qu'une saison c'est pas que les trois derniers mois. Hein. N'oublions pas d'où nous venons, c'est-à-dire je vais juste parler même du début de saison. N'oublions pas que quand Jocelyn Gourvennec arrive au Girondins de Bordeaux, il prend une équipe de polytraumatisés, clairement, qui prenait 4 buts par match, qui mettait plus un pied devant l'autre. Il prend un vestiaire pas à l'agonie, mais c'est pas la fête. Il galère. Et rappelez-vous des résultats des Girondins jusqu'à décembre, ce fameux mois de octobre-novembre qui sont catastrophiques, où Cyril le soulignait à chaque émission, on marque pas. Et c'est vrai qu'on marquait pas. C'était quoi, décembre ça ? Octobre-novembre et un peu décembre, oui. Et les deux premiers, mi-décembre. Les 5 derniers matchs. Où tu perds contre Lille, contre Angers, tu galères pour battre Dijon, Lorient, tu perds contre. Enfin, voilà, c'est, à mon avis, c'est ces deux mois-là qui nous ont fait très mal. Il y a la lumière évidemment qui apparaît janvier, février, mars et jusqu'à mi-avril, jusqu'au match de Nice. Et même après Nice, on fait 3 victoires à filer. Non, mais dans le jeu, ça c'est quand même plus compliqué sur la fin. Heureusement qu'il reste 2 journées, qu'il en reste pas 10, parce que je pense que tu tires un peu sérieusement la langue. Donc est-ce qu'au final, 6ème, ben voilà, quand on voit d'où on vient, est-ce qu'on se dit, ben on prend quoi ? On prend 6ème, on prend, allez, 5-6, on prend. Dans tous les cas, on est obligé de prendre. non, mais. Même si on aurait tous aimé finir 4ème, mais bon. Par rapport au fait d'où on vient, c'est clair qu'on a une nette progression. Voilà, ça on peut pas le nier. Par contre, je pourrais pas dire que c'est une saison entièrement satisfaisante. Car je pense quand même que l'objectif de Bordeaux, c'est quand même les 5 premières places. Voilà, Bordeaux, c'est quand même. L'objectif, c'était la 7ème place. À combien ? La 7ème. Mais c'est quoi cet objectif ? C'était le 7ème budget. Non mais attendez, c'est pas parce qu'on a c'est quand même mieux que l'objectif de Rennes qui est d'être dans les 14 premiers. Vous avez pas vu ça, le président de Rennes ? Ouais, si on est dans les 14, on est bien. Bon, ok. on avait même pas un objectif réaliste. Non mais rappelez-vous, en début de saison, il est milliardaire, il fout pas une thune. Non. Je parle du président, pas du propriétaire. On avait pas d'objectif en début de saison. En début de saison, Trio, il faut retrouver les trucs. Trio disait en début de saison, on a pas d'objectif. Je vais chercher. Alors Trio disait que l'objectif c'était la 7ème place vu qu'on était 7ème budget, et Gourvennec lui disait moi je suis venu à Bordeaux pour jouer la Coupe d'Europe, donc il avait en point de mire la Coupe d'Europe. Après il se cachait, il le disait pas trop fort non plus, mais après pour revenir sur cette 6ème place, oui c'est, ça serait satisfaisant, ça serait pas génial parce que c'est pas une saison géniale, mais c'est une saison qui est satisfaisante dans le sens où on va réussir à retrouver l'Europe et surtout on a un début de projet de jeu. Et ça, quand même, c'est quelque chose de très positif. Ça, c'est notre projet. Non, mais alors, arrête avec lui. Non. Le jingle est en préparation. Allez. Le jingle est en préparation. Mais du coup ouais, y a quand même quelque chose qui prend forme et qui est séduisant. Oui. C'est quelque chose sur lequel on va pouvoir bâtir, c'est quelque chose sur lequel les gens vont pouvoir s'abonner, parce qu'il y a quand même... un style de jeu qui va être estampillé FCGB avec la méthode Gourvennec et compagnie. Donc il y a quand même quelque chose de positif. Donc pour ça, c'est satisfaisant. Après, c'est pas exceptionnel, mais c'est bien. Vu de là où on partait, oui, c'est clair, voilà, que c'est pas. Non, mais ça serait, mais ça même serait par rapport. C'est sûrement la meilleure saison depuis le titre. Depuis 5 ans, depuis 7 ans. Ah, au niveau des points. C'est surtout plus à la base une saison de transition entre. Non, mais on, dans le jeu, pour moi, c'est la meilleure saison. Au niveau des points, non, mais. Ouais, mais moi, je mets, mais si on gagne, je mets le jeu au même niveau que le résultat. Si on gagne si on est sixième, ce sera une bonne saison. On sera dans l'objectif. Et puis si on gagne et qu'on est qualifié européen, il y a quand même un point énormément positif, c'est le départ de Jean-Louis. On va pas se le cacher. Moi, il y a quand même un truc qui me chiffonne. Tiens, c'est la 81e minute et Lens et Strasbourg sont égalités un partout. Moi, il y a quand même un truc qui me chiffonne, c'est de voir finir devant. Et c'est ça qui me en dehors du fait que ça soit Lyon et Marseille, t'as devant toi une équipe qui est quatrième, qui a 20 défaites. Alors certes, Lyon a fait quasiment, je crois, un ou deux matchs nuls dans la saison. C'est-à-dire qu'ils ont ou gagné ou perdu, donc ils ont gagné plus de matchs que nous. Mais ils ont quand même perdu aussi beaucoup moins. T'as le quatrième de Ligue 1 qui a 20 défaites. T'as Marseille, ils sont pas mal depuis un mois ou deux. Mais rappelez-vous le niveau de Marseille. Mais après, t'es pas dans la même catégorie que. C'est une cata, mon gars. Ils prennent pas si, après ils dégagent pas si, ils prennent Garcia. Enfin. Ça serait une anomalie, vu qu'à la mi-saison, ça veut dire que nous, on a décidé de jouer qu'en 2017. Mais à la mi-saison, on est derrière Marseille. Ce serait une anomalie qu'en étant derrière Marseille et qu'avec le recrutement que fait Marseille, on termine devant eux. Ce serait une anomalie pour eux parce que quand tu recrutes Payet, Sanson et Sertic. Mais Sertic défensivement, elle leur a apporté. Rien du tout. Mais par rapport à Rekic et Rolando, je pense qu'ils sont contents. Non. Et Dorian, moi, je peux te dire que je suis allé voir beaucoup de trucs sur les Marseillais et je peux te dire que Sertic. Je te trouve dur parce que moi aussi je suis allé voir des trucs et j'ai vu des trucs très bien sur le viseur. Ils disent que déjà c'est une escroquerie, qu'il est tout embêté, compagnie. Donc on dit ça comme ça, aller voir des trucs. Faut pas être non plus autant. Il est tout le temps blessé. Sur 18 matchs, il est 6 matchs blessés. Un tiers des matchs, il est blessé. Mais normal, c'est pour se préserver pour les boîtes de nuit. Il faut toujours être en forme. On connaît les virées nocturnes. Mais après, Adrien. Si on termine 6ème, on sera à notre place. On sera à notre place au niveau du. C'est-à-dire qu'il faut penser sur la globalité de la saison. Mais. Pour réaliser une très belle saison et sûrement la meilleure si ce n'est à équivalent avec celle qu'on avait faite la meilleure. Une saison où tu retrouves enfin un peu. J'hésitais avec celle où on fait 6 victoires d'affilée avec Gilo. Mais t'as pas forcément de projet de jeu, t'as pas forcément d'identité dans cette équipe-là. Mais ça ressemble. C'est du bricolage. Mais ça ressemble à ça. L'idée, c'est qu'on fait une mauvaise première partie de saison et puis derrière, on fait une remontée folle avec. Enfin voilà. L'idée, c'est que 6ème, c'est bien. 6ème européen. C'est bien parce que 6ème pour européen, mais ça, ouais, ok. Ça aurait été une saison comme de transition. Comme dirait Nicolas, ça serait du con. C'est clair. Mais si on gagne nos deux prochains matchs, on aura fait une très bonne saison et l'année prochaine, on sera 6ème en n'ayant pas perdu contre Marseille, c'est très très bien. Et dans le fond, 6ème, c'est peut-être la place qu'on mérite. Oui. Au vu de notre saison, peut-être qu'on a été trop ambitieux à un certain moment de vouloir jouer la quatrième place. Parce que quand je vois une équipe comme. Bon, Lyon, ils n'ont pas fait une saison extraordinaire. Mais quand je vois des joueurs comme Tolisso, des Lacazette, des Fekir, voilà, c'est quand même un peu plus haut que. Même Depay, c'est quand même un peu plus haut que le Standing Bordelais. Donc je pense que. Après, voilà, on a la place qu'on mérite par rapport à la saison qu'on fait. Ils ont quand même un avantage, c'est les arbitres. Ah bah, 19 pénalties en. Non, même pas parler de ça. Même pas parler de ça, mais on va parler notamment de la commission de discipline. Voilà, tu donnes les 3 points. Ok, tu donnes le match à Bastia, mais dans ce cas-là, si tu mets le match à Bastia perdu, tu sanctionnes les Lyonnais qui ont cherché la merde. Tu sanctionnes Lopez, tu sanctionnes Depay, voilà, tu sanctionnes de Jean Gorgelin. Le problème, c'est qu'il y a des joueurs, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à les sévir assez. Ouais, ok, on fout la sanction à Bastia, mais pourquoi, je veux bien, comme je dis, on ne va pas je voir veux bien, Lopez, je, que Lopez je veux bien, fait des années. On me dit que Ménès dit, ouais, tout le monde aurait réclamé ça. Ok, mais je veux bien l'entendre. Mais Lopez, en 6 mois, il a plus d'histoire que Carrasco en 15 ans. Mais à un moment donné, il faut. C'est Lopez, c'est le petit Ferry là, qui cherche les problèmes. Là. Mais c'est insupportable. Non, mais on le sait tous, n'importe quel supporter dans n'importe quel club français pourra te le dire, c'est le bordel dans ce club. Il y a aucune, il y a niveau comportement, c'est vraiment le why. Ça a été inadmissible les comportements qu'ils ont subis, mais alors pas de responsabilité. Regarde nous, tu crois qu'il y a eu des problèmes? Voilà, c'est mais voilà. Le problème c'est que maintenant on peut pas le dire, que c'est presque impossible à dire. On te tombe dessus. Quand je vois certains Lyonnais, alors pas supporters Lyonnais, qui se plaignent des propos de Taverneau. Mais non, mais comment tu peux te plaindre de ça? Imaginez les propos de Aulas. Vous avez vu le nombre de fois où il est sorti. Pareil, Aulas n'est jamais sanctionné. Insupportable. Enfin, bref, là, on a légèrement dévié par rapport à la sixième place. Légèrement. Mais Bordeaux n'a pas mis comme les deux clubs qui sont face à devant lui pour l'instant. On sera devant Marseille à la fin de saison, mais c'est pas grave. N'a pas mis. Enfin, l'image, c'est que ces deux clubs ont mis 25 millions sur un joueur. Bah oui, c'est clair que niveau financier, c'est plus pareil. Et ce qui est dommage, c'est que leur meilleur recrutement à Marseille, par exemple, c'est un joueur gratuit et un joueur pour 8 millions. Vu que. Je pense que Thauvin, il est que prêté. Hein. Non, et Gomis aussi. En plus, je pensais pas de Thauvin. Oui, Thauvin aussi est prêté, mais. Je pense à leur deuxième partie de saison, ils ont réussi surtout au milieu avec Sanson, qui leur fait un bien fou. Après, ils vont parler du jeune Lopez, mais bon, pour moi, c'est différent. C'est différent parce que nous, on a Vada, et Vada, c'est le milieu qui a le plus marqué. C'est vrai qu'il y a un frère, tiens, j'ai vu, alors, parce que samedi après-midi, je ne savais pas quoi faire, donc j'ai regardé Canal Plus Sport. Et sur quoi suis-je tombé sur Canal Plus Sport? Sur Marseille Consola Boulogne-sur-Mer. Ah. Et à Marseille, Consola joue le grand frère Maxi. De Maxime Lopez, qui s'appelle Julien Lopez, qui a mis un triplé dans un magnifique deuxième but, d'ailleurs, splendide. Frappe enroulée de 25 mètres, pleine Lulu. Et donc, c'est son grand frère, il est plus âgé, et il se démerde pas trop mal, le petit. Et qui ai-je retrouvé? Tiens, eh ben, vous savez quoi? Je vous garde les noms. Non, parce qu'on en a parlé avec Cyril et qu'il a la réponse. Mais à Boulogne-sur-Mer, vous avez Pierre Ducasse. Ah, ben oui. À Boulogne-sur-Mer, vous avez David Gigliotti. Je sais pas si vous voulez, l'attaquant de Monaco et de Troyes. Et vous avez Grégory Thil, attaquant à Boulogne-sur-Mer. Pierre Ducasse, il joue à Boulogne-sur-Mer. Pierre Ducasse qui mettra peut-être un terme. Ouais, tu peux en parler, vas-y, parle. C'était toi qui me l'avais dit, non? Non, c'était pas toi qui me l'avais dit. On en avait parlé avec. Bah, t'es d'accord. Vas-y, mais dis-le. Il y a Pierre Ducasse qui a actuellement 29 ans. Il est pas vieux. Ah oui, c'est vrai. Il est pas vieux. Il a 30 ans. Il a fait un contrat. Il a fin et contrat, si, voilà. Si jamais Boulogne remonte, il restera pro. Et sinon, il arrêtera sa carrière. Voilà. À 29 ans. Son contrat ne sera pas renouvelé. Du coup, il arrêtera. À seulement 29 ans. C'est une des rumeurs. Hein. On va pas dire que c'est une info. Il se dirigerait plutôt dans le futsal. Après, voilà. Ah oui, il arrête pas définitivement. Non, mais. Il continue à tripoter un peu le ballon. Ouais. Non, mais après, il jouera. Après, voilà. Il reviendra sûrement dans la région. Moins dans le contexte professionnel, on va dire. Voilà. Bah, c'est bien, c'est un bon petit c'est joueur. C'est un gamin du coin. Et voilà. Il a fait un bon passage à Lorient aussi, Pierre Ducasse. Ouais. Et puis, qui a accessoirement marqué ce but mémorable à Marseille. Parce que son premier match, il a marqué aussi. Avec Ricardo, il me semble. Ah, il m'a moins marqué que celui à Marseille. Quand même. Tu gagnes 2-0, il met le deuxième. Et vous avez vu d'ailleurs que Ricardo va peut-être retrouver. Voilà, donc une question de. Peut-être retrouver, je ne dis rien. Une question de moins pour le Sekiki. C'est trop tard. J'ai rien dit. Trop tard. Tiens, avant de passer au Sekiki, une deuxième info qui concerne également un joueur prêté actuellement. C'est Téline qui serait très proche donc d'un deuxième prêt à Anderlecht pour un an de plus. Donc, alors moi, c'est à moins que l'option d'achat soit obligatoire. Donc je vois pas. Non, alors il y a pas de précision. Il y a juste indiqué que voilà, des discussions avancées pour un nouveau prêt d'un an, c'est Sud-Ouest qui sort l'info et que Bordeaux et Bruxelles et le club de Bruxelles. Anderlecht devrait rapidement s'en rendre, donc ça veut dire que bah, déjà eux sont contents du. Non, mais après, de c'est ce pas que fait Téline. C'est pas tellement ça, c'est qu'il y a une option qui, pour moi, aujourd'hui, à l'heure du football mondial, il y a une option qui est dérisoire, 2,5 millions. Si tu le veux pas, 2,5 millions, je vois pas pourquoi te prolonger. À moins que tu mettes une option d'achat obligatoire. C'est-à-dire que tu mets, même pas forcément, tu gardes tes 2,5 millions, mais par contre, à la fin de l'année, tu paies 2,5 millions. Ou sinon, on le met en vente, parce que clairement, nous, on ne le veut plus. Enfin, c'est méchant de dire ça. Mais je pense que Gourvenec... Toi, tu ne le veux plus. On ne sait pas ce que veut Gourvenec. Je pense que Gourvenec ne compte plus sur lui. Donc voilà, il y a une cassure. Et je pense vraiment que l'objectif, c'est de trouver... une option définitive à son contrat. Moi, je vois plutôt ça comme une opportunité de dire, ben voilà, on te prête 2 ans, comme on a fait avec Diabaté, à qui on avait prêté 2 ans, comme on a fait avec Laborde, qu'on a prêté 2 ans, l'opportunité de dire, voilà, on te prête 2 ans, tu te fais les chicots dans le championnat belge, qui n'est pas un championnat infamant. Hein, c'est ben, un qui sont meilleurs que nous. Surtout, voilà, c'est un bon championnat européen. Champions. Non, mais je veux dire, c'est pas un top 5 Angleterre, Allemagne, Italie, non, Espagne, c'est juste en dessous, mais voilà. Anderlecht, excuse-moi, mais il joue la Ligue des Champions fréquemment, il joue l'Europa League tous les ans. Enfin, ils y étaient encore il n'y a pas longtemps. Ils jouent une Coupe d'Europe tous les ans. C'est-à-dire, c'est soit l'Europa League, soit la Ligue des Champions. Et c'est plus fréquent. Donc, d'ailleurs, il a marqué ce week-end, d'ailleurs, Telly. Oui, deuxième but. Un beau but, une frappe croisée. Le gardien a été. Seulement son deuxième but. Figé. Hein. Oui, c'est son. Mais il joue pas beaucoup. Non, 18 matchs. Il fait que des rentrées de. Il fait que des rentrées de. Petit bout de match. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre oui, Paul Bernardoni, donc, qui est convoqué avec la France pour le mondial des U20, ça, c'est aussi plutôt. Une bonne nouvelle, et vu qu'il reste 3 minutes, on va en parler voilà, rapidement, donc de Paul Bayes, qui a annoncé hier soir en direct, après son match, la défaite de Nice à Marseille, qu'il quittait l'OGC Nice. Alors bon, on va pas rentrer dans le jeu des rumeurs, des machins, des trucs, je vais juste vous poser moi une question. Paul Bayes, enfant de Bordeaux, né à Bordeaux, formé à Bordeaux, voilà, très simplement, est-ce que pour vous... la venue de Paul Pace, qui plus est gratuit, serait une bonne affaire, un bon renfort pour les Girondins, Adrien. Oui. Bon, on a 3 minutes, tu peux développer un peu quand même. Ah, 3 minutes, vous pouvez faire 1 minute chacun, ça me va bien. Je suis concis. Oui, ça serait un bon renfort car il est gratuit. Adrien essaye d'être intelligent. Et l'important c'est les 3 points et le groupe et vit bien. Et que ça peut être complémentaire avec un Palois ou un Lechouk. Comme on va risque d'avoir plus de 50 matchs l'année prochaine, et comme je suis optimiste. Oui, parce qu'il faut quand même pas oublier que l'an prochain, tu vas récupérer Yambéré qui est peut-être pas sûr de rester. Oui, oui, est-ce qu'on fera le forcing pour garder Jovanovic ? On sait pas. Ça va être vendu. Pablo, ça va être vendu. C'est quasiment fait chez Roxy Corinthians ou oui, Corinthians. Comme ça. Question en moins pour le Sekiki, ça aussi. Donc voilà, Adrien, mais toi donc, t'es plutôt pour. Donc oui, vu que Paul Bay, c'est le seul inconvénient, c'est ses blessures répétitives. En tout cas, sur le chat, il fait l'unanimité. M'enlever tous les trucs que je connaissais. Sur le chat, il fait l'unanimité, puisqu'on a et Kinder, et Memo, et Marcel qui nous disent oui, il faut prendre Paul Bay, on veut Paul Bay. Il a une bonne relance. J'ai envie de te dire, Kinder, il est bueno. Hein. La sortie est par ici. Et Kinder, il est pingoui. Voilà, ça c'est fait. Allez, mais on peut tous les faire. Hein. Maxi. Il est Maxi. Voilà, bref. comment il s'appelle ? Thomas. Paul Bayes, gratuitement. Surpris. Tu le prends ou tu le prends pas ? Écoute, moi je pense qu'il faudrait faire comme avec Aludera. Sachant que chez Dugas cet après-midi, il a dit qu'il était ouvert à toute proposition. Moi je pense qu'il faudrait le prendre en test, tu sais, qu'un peu en détection comme les Girondins, tu sais, ils voient que les jeunes. Détection, le mais il a 28 ans le mec. Il a 28 ans. Je te rappelle qu'il a jamais su s'imposer avec les Girondins, donc on va le prendre déjà en détection. C'était en 2000, c'est comme si on prenait Kripovia. Thomas, c'était en 2007, il avait 18 ans. Et ça s'est pas exactement passé comme ça. Oui, bon après, je pense que peut-être que Corinus aurait peut-être besoin d'un petit collègue en CFA pour. Mais donc toi non, toi ça te. Non, honnêtement, pourquoi pas, mais il faudrait d'abord voir si le joueur est ok. Voilà, ok, parce qu'on connaît son passé avec les Girondins de Bordeaux, on est sûr de rien. Mais pourquoi pas, écoute, ça pourrait être intéressant. Ah, et d'ailleurs, apparemment, on n'aura pas Brillant. Parce que Camboiré est de forte chance. Oh merde, alors lui, tu vois, alors ça, beaucoup... putain, mais bizarrement, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. J'étais beaucoup moins emballé. Mais on aurait pu retrouver l'équipe. On va peut-être avoir une équipe que de joueurs gratuits. Non. De joueurs libres, gratuits. Des prêts. Alors toi. Si tu veux prêter Ben Arfa et Krikoviak, allez. Ah non, mais non. Mais lui, il faut que t'arrêtes. Tu veux Ben Arfa, Menez et Ounas ensemble ? Ah, ça serait. Non, là, ça serait quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là ? Il y a Belanda aussi qui est libre. Ah ouais ? Et bien lambda aussi. Ah bah, non, non, mais, écoute, bon, mais par contre. Moi, mais, sur... attends. Vive Macron, hein. Sur base. sur base. Mais on arrête, sérieux. On arrête avec la politique, oui, on s'en fout. On a rien à foutre. Sur base, par contre, voilà, c'est un gamin qui est parti au Girona qui avait énormément d'ambition quand il était jeune. Il était international espoir. Il refusait d'être sur le banc. C'est pour ça qu'il est parti de Bordeaux. Il n'acceptait pas la. Il n'acceptait pas le fait de ne pas jouer et du coup il est parti très très jeune. Il est parti à Sedan qui était à l'époque, il me semble qu'ils étaient en Ligue 2. Ouais. Ligue 2. Il est passé par Saint-Étienne, il est passé par Lorient. Un club breton, il me semble qu'il Brest. Était. Brest. Oui, voilà. Tout à fait. Et après Nice. Et du coup, voilà, et Saint-Étienne. Saint-Étienne. Et non, mais c'est un gars qui a énormément, énormément de caractère. C'est un leader. Il est capitaine de Nice, donc ça démontre bien que c'est un meneur d'homme. C'est quelqu'un qui se laisse pas impressionner. On a tous des images avec Ibrahimovic où il se dégonfle pas. Là, récemment, c'était avec Thiago Motta. Alors, il a peut-être un peu trop de caractère. Non, mais il par a contre, un peu c'est... trop de gueule, je trouve. Mais bon. Ouais, voilà. Mais par contre, final. Il a de l'ego. Moi, c'est le genre de joueur que j'aime bien. Perso, il est gratuit. En plus, c'est pas forcément pour me déplaire. Mais il faut pas faire que des joueurs gratuits. Mais il rentre totalement dans le genre de joueur un que veut Gourvennec. C'est quand même... C'est-à-dire de l'expérience, du charisme pour entourer un groupe qui est plutôt jeune. Et en plus, il coûte pas cher. Donc, du coup, c'est vraiment que des points positifs. Mais encore faut-il que Bordeaux et que Gourvennec le veuille. Oui, le veuille déjà. Il faudrait que lui soit intéressé. Déjà. Mais parce que parti de supposition. La Coupe d'Europe peut aider à le faire choisir. Oui, évidemment. Mais enfin, t'as pas. Ça t'en. T'as moins de problèmes de prendre base. Ça va être moins dur, à mon avis, de prendre base gratuit que de Thiago réussir Silva, à garder Jovanovic. Il va falloir dégraisser, Girondin. Je pense que. Voilà, si on en défense centrale, on a. À défense centrale, à part Yambéré et Jovanovic, si t'arrives déjà, à le garder, c'est tout. Hein. Jovanovic. Il y a Verdon. Moi, je pense qu'on va pas le garder. Verdon est monté en équipe pro. Oui. Koundé aussi, on parle d'un contrat pro, de ce que j'entends. Puis il nous reste Yambéré voilà, qui est parti s'enterrer je ne sais où là. Il est à Malte il me semble. Ouais, il est parti en Grèce. En Grèce voilà, donc il est parti s'enterrer, donc déjà tu enlèves ces deux joueurs, tu mets les deux nouveaux et puis tu espères un joueur plutôt avec de l'expérience. T'as besoin quoi qu'il arrive, t'as trois défenseurs centraux. Parce que là pour l'instant c'est déjà très très juste l'expérience. Paul Bay, il l'a. On va jouer la Coupe d'Europe, ouais, c'est ça. C'est pour ça, moi, les gars, vous me dites Koundé, Verdon, c'est sympa, les gars. Non, mais Bayes, on le prend à 100%. Gratuit, tu le prends à 100%. C'est non, mais Koundé, joueur... Verdon, ils dépanneront. Non, mais déjà à la base, il te manque un défenseur. Il oui. faut se dire clairement les choses. Jovanovic, Levchuk, Palois. La polyvalence de Toulalan, à un moment donné, elle a ses limites. Parce que là, on va le voir ce week-end. Non, mais je suis même pas sûr que contre Marseille, mette Toulalan en défense centrale. Il va pas mettre Contento. Parce que au milieu, tu perds. Tu veux mettre qui, Adrien? À moins que tu fasses. Non, mais parce que. Plasil. On l'avait vu. Non, mais on l'avait vu contre Monaco. Chantôme, je crois. On l'avait vu contre Monaco. Quand on joue sans Toulalan au milieu, on a un réel déficit. Non mais tu réponds pas à ma question. Tu mets qui si tu mets pas Toulalan défense centrale avec Jovanovic? Je mets Pelunar. Non mais Pelunar. Et pourquoi pas? Bien, on verra vendredi soir. Ce qui est dommage, on n'aura pas les groupes de vendredi pour le match de dimanche, mais on essaiera de Pelunar. On essaiera de deviner tout ça. Allez, messieurs, c'est l'heure du tant attendu et désormais mythique. Non pas le mythique FCGB, mais le mythique. C'est Kiki. Et oui, le kiki de tous les kikis. D'ailleurs, Alexis, moi, il m'a refait ma journée hier. Je sais pas si vous avez vu ce petit montage, cette affiche de campagne. Je ne promets rien, je tiendrai mes promesses. Votez Kiki. Alors le kiki, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est la peluche qu'on a tous eu quand on était petit, qui existe encore d'ailleurs. Vous savez, le petit singe qui met le pouce dans la bouche pour dormir. À la campagne. Alors, messieurs, le C'est Kiki du soir, il y aura de tout. Il y aura du Bordeaux Synthé, il y aura du Bordeaux Synthé et du reste. Je vous préviendrai effectivement quand ça sera. Voilà, on va faire ça. Tu prends les points ? Je prends les points, tout à fait. C'est parti, messieurs, attention, écoutez bien, soyez vigilants. La première déclaration du jour concerne le match de ce week-end. C'est qui dit, on a fourni... Galtier. Non. Les efforts nécessaires pour pouvoir gagner le match. Sans carré. Non. Il y a eu des faits de jeu en notre défaveur. On n'a pas, non, pas grand chose à se reprocher. Non. On a essayé de faire non, le maximum et on peut regretter non plus. Perrin. Ah, il est là, il est à ma droite. C'était Loïc Perrin. Merci Loïc. Deuxième déclaration sur ce match, peut-être. Oui, alors ça c'est très facile. Je pense que ça va être une question de rapidité. Une rencontre absolument épouvantable en première période. T'as dit qui, Cyril? Galtier. Non, et t'as dit qui, Adrien? Ménez. Le point. Il est là. Non, c'est vrai. J'ai dit Ménez, moi. T'as dit Galtier. Et c'est vrai que c'était. Mais c'est pas Ménez, c'est Ménez. Et le bon Pierrot, c'est vrai qu'il a raison. C'est vrai que c'était absolument épouvantable en première mi-temps. C'est qui qui dit c'est pas sur le match de ce week-end. Ah. Ça concerne un peu autre Galtier. Chose. Ah non. Non, non. C'est qui dit. Alors attendez, il faut que je retrouve la déclaration. Quoi qu'il se passe et qu'il puisse entendre en ce moment, Carasso a un comportement de grand professionnel. Gaëtan Huart, il est chaud le gamin. Pam, 3-0 d'entrée. Lui, il a révisé. Allez, lui, tous les articles de Giro. Ouais, enfin, sortez-vous les doigts parce qu'il n'y a pas de match de légende ce soir. Ah merde, donc, on a perdu alors. Eh oui, on n'est pas en avant-match là. Donc, Oh merde. Bah si, tu pourrais faire un match de légende sur cette étiquette. Ouais, bah. Oui, c'est vrai que j'aurais pu, mais ouais. Bon, vraiment, si on verra. De toute façon, on n'a plus trop le temps déjà. Tu peux me reprendre le match où il y a eu le carton rouge de Sénac et compagnie. C'est qui dit « J'ai envie de féliciter Christophe Galtier pour son travail à Saint-Etienne » Gourvennec. Il a dit ça. Il est là. Jocelyn Gourvennec. Il lit tout, lui. Oui, a envie de féliciter. Puisque Christophe Galtier, vous l'avez appris dans la semaine, Christophe Galtier ne sera plus l'entraîneur de Saint-Etienne. C'était la semaine dernière, la saison prochaine. C'est qui dit, messieurs, Bastia Lyon, si j'étais concerné, je préférerais le rejouer et le gagner. Gourvennec. Gourvennec, back to back. Pour l'instant, c'est un cavalier seul. Hein. C'est, voilà, il n'y a même pas de match, il n'y a même pas de. Les voilà, deux qui je connaissais, il les a dit, tu les as enlevés. Kinder dit, il répond trop vite surtout. Oui, il répond très vite. Il dégaine plus vite que son nom. Mais il a moins de poids sur la tête. Donc, du coup, il a perdu 4 kilos de cheveux sur la tête. Donc, plus débridé là. Tu sais, c'est comme le 50. Sip nous dit, je vais essayer de réviser pour vendredi le match des légendes. Oui, Sip. Sachant que ça sera un Bordeaux-Marseille. Alors, autant vous dire que ça sera sûrement pas celui de 99 parce que c'est bien trop facile. J'essaierai d'en trouver un peu celui plus. Celui de 77 un peu... Non, bah non, là pour le coup, ça sera trop dur. Non, mais un peu plus fun. 77, je les connais pas. Peut-être par exemple celui où on a joué sur le verglas avec notamment Franck Leboeuf à l'époque à Marseille. Rappelez-vous, c'était en 2001 ou un truc comme ça. Je verrai. Ça sera suivant les humeurs. Tiens, sur le match de ce week-end, messieurs, c'est qui dit on a poussé, on a eu les situations et on méritait de repartir avec Galtier, la victoire. Non. Tout. Non. Nous ne sommes pas récompensés. Pajot. Voilà, 6-0. Poum. On s'arrête là ou on continue? Allez, là, il y a peut-être une chance que vous marquiez un point parce que. Il reste 10 minutes. Il y aura un match légende. Vous le savez, Cédric Carasso a battu un record ce week-end, le record d'invincibilité de la saison en Ligue 1. Mais vous allez me donner, alors au plus près évidemment, chacun un chiffre. Ah ouais, mais attends, en termes de minutes. Donc combien de minutes Cédric Carasso est resté invaincu cette saison? Un chiffre pour chacun. Allez, Adrien, moi je dirais 457. 457 pour Adrien. Thomas. Non, pas un Cyril. De plus. Vas-y, toi. Mais c'est dégueulasse, vu qu'il y en a un, il va te donner entre les deux. D'abord Cyril, d'abord Cyril. Oui, sauf que si c'est en dessous, c'est toi qui gagne. Ouais, mais bon. Attends. Ils savent pas si c'est au-dessus ou en dessous, et c'est ça le truc. 530. On nous dit 447 sur. Moi je dirais 550. T'as dit combien, 530, toi moi. 457. Alors moi 454. Non. Stop. Il a parlé. T'as dit combien, toi? 530. Toi, t'as dit combien? 454. Et toi, t'as dit combien? 457. Non, il a dit 4. Il a dit 454 et toi, t'as dit 457. Bon, bah, t'as pas la chatte parce que c'était 468. C'est lui qui prend le point. c'est le risque. T'as dû jouer un peu plus. C'est bien joué, Cyril. 750. C'est bien joué, sauf que t'as une chance sur deux que ça soit ou au-dessus ou au-dessus. L'autre, il aurait dû faire pareil. T'es 468. Tiens, un truc peut-être un peu plus simple. Gaëtan Laborde, combien de buts cette saison, toutes compétitions confondues? 13. Trop tard, il l'a dit avant. 13. Ah, toutes compétitions. Ok, je crois que c'est. Et 4 pour Ounas. Bim, allez. Non, mais là, c'était pas une question. Tiens, c'est qui dit? C'est qui dit? Ça n'a rien à voir avec le match de ce week-end. Il parle. Alors attendez. Il y, y a une tentative. Alors, c'est quelqu'un qui parle de Jocelyn Gourvennec. Il dit il a réussi avec ses équipes, il arrive à construire petit à petit, sans faire de bruit, mais toujours avec des équipes qui, dans le temps, dans la durée, arrivent à se mettre en place. Et c'est un signe d'un entraîneur de qualité. Justement, il n'est pas... Non, je crois que c'est une des premières fois que je le cite dans le... Peut-être la deuxième fois que je le cite dans le... Manardo. Non, il n'est pas dans les la coups, tour, dans McCarthy. L'éphémère, il construit. Carrière. Alors, je vais vous donner un indice. Sagnol. Il est venu remettre... Landreau. Vous savez que... Raymond Dominique. Voilà. Premier point. Voilà. Puisque vous savez que Jocelyn Gourvennec est nommé pour le titre de meilleur entraîneur. Et donc, de quoi Raymond Dominique. Oui, oui, il est nommé dans les trophées UNFP avec Jardim, Emery et... Dominic était nominé. Non. Non, il n'est pas nominé. Je ne comprends rien, celui-là. Gourvennec est nommé au trophée UNFP avec Emery, Jardim et je ne sais plus ce qui est le quatrième. Donc, c'est Garcia. Non, c'est Favre. C'est Favre. Ah oui, Favre. Pour, et donc Domenech est venu remettre la nomination, pas le trophée, mais le voilà, comme quoi il est nommé. Et il a dit ça donc sur Jocelyn Gourvennec. Et premier point pour toi, Thomas. Plus que 6 et tu bats Adrien. Et vous faites quoi là, sérieux? Arrêtez un peu. Là. Allez, on continue, messieurs, sur l'après-match de la rencontre face à Saint-Etienne. C'est qui dit le premier pénalty pour Bordeaux est sévère? Levchuk. Qui? De rien. Non. Levchuk est bien emporté et joue bien le coup. C'est bien. Ah, le gars de Canal. C'est plus. Non. Le chinois là, non. Comment il s'appelle? C'est plus le juge de touche qui signale ce pénalty sur le deuxième pénalty qui n'est pas accordé à Saint-Etienne. Je pense que personnellement, là, il y a pénalty. On voit le pied Galtier. Du Bordelais. Non. En du deuxième gars. Mi-temps, les duels étaient un peu plus Menez. Solides. Non. C'est un match plus engagé. On ne signale pas la main et c'est le ballon. Comment t'as Canal? Non, c'est pas sur Canal. Trésor. Ah. Non. Fargeon. C'est un ancien entraîneur. Lily Bob. Ah, non. C'est comment il Ricardo. S'appelle on l'a, je l'ai cité une fois. L'ancien entraîneur de Lyon. Là. Je l'ai cité une fois. Fournier. Non, je l'ai cité une fois dans le Sekiki, c'était il y a une semaine ou deux, et je vous ai dit, c'est la première fois que je le fais. À l'époque, c'était la première fois, donc là, c'est la deuxième. Ah, et il est sur l'équipe 21. Non. C'est un ancien entraîneur. De Bordeaux. Non. En France. Denoix. Ouais. En France, en France. Denoix. Non, pas Denoix. Un ancien entraîneur. Ah, Fernandez. Eh voilà. Luis. Oui, Luis. Luis. Luis. On continue. Non, mais je cherche pas à compter les points. Coupe-lui son micro. C'est qui dit « Les gens de Bordeaux ont été surpris parce que je suis venu avec un état d'esprit pour apprendre rapidement le français. Je garde en tête que si on n'apprend pas la langue... » Malcolm, putain. Ah, oui. Premier point pour Cyril. Malcolm. Qui avait annoncé à plusieurs reprises qu'il restait l'année prochaine. Oui, qui a annoncé à plusieurs reprises sur Twitter qu'il restait la saison prochaine. Instagram. Tiens, je vous ai dit tout à l'heure live. Que Paul, s'il vous plaît, live. Que Paul Bernardoni, Instagram. S'il vous plaît, Paul oui. Bernardoni, je U20. Vous l'ai dit tout à l'heure, oui, non, pour le Mondial U20, oui, c'est bien Cyril, mais c'est pas la question. La question, c'est où se déroule le Mondial U20 En Russie. Ah Non. En Corée. République tchèque. Non, elle est là, Corée. En Corée. Bon, je passe. Ouais, si j'étais dans ton état d'esprit, Cyril, j'aurais pu te faire chier à te dire Corée du Sud ou Corée du Nord. Parce que ça, honnêtement, ça aurait été un autre qui aurait dit Corée, t'aurais fait « Attends, il y a deux Corées, pas la Corée du Nord !» Bah, justement, ce que je viens de dire. Mais bon, t'es tellement à la dèche de points que je te l'accorde. Allez, je passe devant Thomas. Ça sera... Égalité, t'as marqué deux, toi. Ça sera... Non, mais j'ai fait Malcolm et Corée du Sud. S'il vous plaît, ça sera du 20 mai au 11 juin, donc Bernardoni aura pas le temps de chômer. Et y a pas Mbappé dans la liste. Ah bah en même temps vu. Oui, je pense qu'il a pas voulu. Pourquoi il a pas voulu? En même temps, il aime pas la France. Non, c'est surtout que en plus Mbappé, on dit Monaco a fait beaucoup de matchs, mais Mbappé lui, il ne joue Lopez, que depuis janvier. Pas voulu aussi. Donc Mbappé a pas fait tant de matchs que ça avec Monaco. Mais ça, il faut que la FFF et tout ça ne s'est pas prononcé. C'est encore. Qui dit s'il vous plaît, il parle de la réaction de du club de Bordeaux après le recours déposé contre les 3 points attribués à Lyon. Et donc de Tavernier. Non. Mais attendez, laissez-moi au moins le temps de finir. J'ai même pas commencé la phrase. Si. Il dit je le comprends pour Bordeaux, même Marseille aussi peut penser ça. Encore une fois, c'est les joueurs qui sont sanctionnés alors que ce ne sont Fournier, les supporters Riolo, qui sont Fournier. Non, qui sont entrés sur non, le terrain. C'est l'autre qui ressemble à Jésus sur Canal+. Après rejouer le match quand c'est toujours pareil. Reynald Pedros. Voilà, bam. Je pensais qu'il y en a un qui allait me dire Michael Madar. Alors, mais... attendez, d'après Adrien, Reynald Pedros ressemble si, c'est vrai à qu'il a... Jésus. Si, parce qu'il a les cheveux longs et une petite barbe. Alors, Jésus-Christ, d'après, il a la gueule de Pedros. C'est Jésus 2.0. Allez, à propos de ce week-end, messieurs. Tu es raciste. Messieurs, à propos de ce week-end, c'est une blague, bien sûr. S'il vous plaît, à propos de ce week-end, le point positif, c'est que même en étant moins bien, on ne perd pas. Et c'est la seule bonne chose à retenir de ce match. Il nous a manqué d'être un peu plus précis techniquement. Rudy Garcia. Non, on avait l'occasion d'être un peu mieux dans le jeu et on n'a pas énormément mis de pression. Sur carré. Non. Palois. Non. Lechuk. Non. Contento. Bon, bah allez-y, faites-les tous, vous allez bien tomber dessus, non ? La Borde ? Non. Plasil ? Non. Gaïch ? Non. Adamounas ? Non. Palois. Malcolm ? Non. La Borde ? Non. Plasil ? Non. Et vous allez tous les faire ? Non, non, non, non. Je sais pas, c'est pas joueur. Top, qui a dit tout l'allant ? Moi. Et je l'avais dit, moi. Moi j'ai dit tout l'allant. Sérieux ? Moi j'ai dit tout l'allant quand t'as dit Top qui a dit, c'était moi qui l'a dit. Vous battez pas, vous gagnerez pas de toute façon. Bah, donne-lui le point s'il a dit. Allez. Voilà. Allez, ça fait 2-2. Mais je n'ai pas entendu le dire. Il reste 3 points. Il reste 3 points à prendre. Il reste 2 points. Moi non plus, j'ai pas entendu. S'il vous plaît, toujours concernant la requête face des Bordelais, c'est qui dit ? Fournier. J'espère que cette requête peut marcher parce que c'est le sportif qu'on a condamné. Martin. Attendez bien avant de donner vos réponses que j'ai commencé la phrase. C'est... T'as commencé. Que j'ai commencé là. Oui, non, mais je. Ouais, voilà. Donc j'espère que cette requête peut marcher parce que c'est le sportif. Quand vous aurez la réponse, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Parce que c'est le sportif qu'on a condamné alors que le sportif n'y était pour rien. À la fois les joueurs Bastier, bien sûr, les Bordelais par Ricochet. C'est un match qui n'a pas eu lieu, il n'est pas allé à son terme, on aurait pu le rejouer ailleurs. Je trouve que de Nicolas rien. Taverneau a raison et que c'est le sportif qui est condamné. Commentateur de Canal. Oui. Je sais pas comment il s'appelle. Adrien a déjà donné deux fois son nom ce soir et c'était pas ça. Luis Fernandez. Non. Non, c'était le commentateur. Il a cité deux fois déjà et deux fois c'était pas ça. C'était pas Fournier. Ce n'est pas un commentateur. Qui tu dis, Adrien ? J'avais dit Fournier. Oui, mais tu l'as dit avant que je commence la phrase, mais maintenant je te l'accorde. Fournier, mais comment il s'appelle ? Mais dis pas son prénom, ouais, je sais pas. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, dernier point à prendre. Autant c'est vous dire que, bon, là, à la limite, Adrien, ce qu'on va faire, on va départager pour la troisième, la deuxième et troisième place Cyril et d'accord. Thomas, parce qu'Adrien, tu es largement d'accord, devant. D'accord, la discrimination. Dernière, ouais. Non, et en plus, c'est une question concernant, te concernant, donc ça peut être facile. Enfin, te concernant. Indirectement. Ah merde. Messieurs, nous avons parlé combien de. Minutes à jouer, Adrien. Nous avons parlé de Kizetelin, hein, qui a marqué ce week-end, qui a fait gagner Anderlecht et qui va peut-être donc être prolongé d'un an. Mais. Poco. De quel club vient Isaac Kizetelin ? Adrien, ferme-la. Malmö. Oui. C'est pour en Suède. Dans FIFA 14, il est recrutable à Malmö. Malmö en Suède, le point va à Cyril. Donc, je vais quand même donner les scores. Hein. Thomas, tu as 2 points. Cyril, tu as 3 points. Et Adrien, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points. C'est je pas les mal. Ai malmenés. Bon, ça s'est joué à pas grand-chose. On voit bien quand même qu'il a rien à glander les journées. On va pas se mentir, ça s'est pas joué à grand chose. Il m'a sorti quoi là ? Ouais. Malmené, il laisse tomber. Mais il est... Oh putain, j'avais. Alors là, par contre, pour le coup, j'avais pas du tout. Oui, la vanne était. Pas drôle. Écouter, je les ai malmenés, pourquoi pas. Oui. Ouais, là, non, la vanne était quand même. Oui. Ouais, sacrément chialé. Alors, avant de se quitter, bah, on a 2 minutes. Parce que c'est la première fois que je termine un Seikiki aussitôt. Oui, on a 2 minutes avant de finir. Que dire ? Vendredi, donc. Émission avant-match de Marseille, juste après nos amis des désaxés, anciennement les désaxés, et donc de. Comment il s'appelle ? Devant le match, que vous retrouverez dès 19h30. Nous, on prend l'antenne à 21h, ou 21h10, ça dépend. Ça dépend si on a un invité ou pas. Ça dépend si on a un invité ou pas. On y travaille. On ne va pas vous vendre du rêve de suite. Ce serait un effet. On y travaille. Il y aura peut-être. Il n'y aura peut-être pas. Sachez que s'il y a. Il y aura peut-être certique. Non, ça sera. Ah oui. Et alors, si jamais on fait celui à laquelle on a envie, vous cache pas que pendant 2 ans il n'y a plus personne. On vous cache pas que ça sera pas dégueulasse. On vous cache pas non plus que certique. On s'est refusé. Dit. Et pourquoi pas? Et pour qui mieux que Grégory Certique pour parler de Bordeaux-Marseille après tout? Bah, on s'est dit pourquoi pas. Bon, bah oui. Écoute. Ouais. Et puis bon, après on a dit non. on a fait une réunion entre nous et puis on a dit bon, non, au final, bon, réunion pas de crise. Réunion de crise, on y aura. On préfère encore Souleymane Diawara. Il est gentil. Sachez également que la dernière émission de l'année, enfin la dernière émission, dans son format classique après match, ça sera donc après le lundi, Lorient. Après ça, Lorient. Après le dernier match, quoi. Je préfère prévenir les gens maintenant, comme ça, voilà, il y aura au moins un peu de, les gens sont déjà un petit peu au courant. Sachez que on n'arrêtera pas de suite après le dernier match à Lorient. On fera peut-être 2, 3, 4 émissions pour revenir sur. On fera peut-être une émission juste sur, par exemple, je sais pas, les recrues, les résultats, enfin voilà, un truc un peu. On essaiera de faire des émissions un peu spécifiques. Fun. J'ai voilà. Je vais proposer un concept. oui. Après. Je vous le proposerai après, mais ben. Off. Mais ça peut être intéressant à le faire. Ah ben toi, tu vends du rêve aux auditeurs, en fait, et tu leur dis rien, c'est ça. Ça s'appelle un teaser. Ouais. Non mais à un moment donné, avec quelque chose qui ne sera pas, ça sert à rien de teaser. Des réactions à chaud des joueurs et tout ça. Ah, vas-y, bah, on va essayer un truc. Bon, bah, vends-nous du rêve maintenant tout de suite alors. À mon avis, faire un truc que sur des montages. Un duplex. Avec que des montages. Une émission enregistrée sur une remise de prix des GA Awards. Ah oh, ayant. Tain, à ce propos, les GA Awards vont revenir. Ah, bah oui. Alors, l'année, ça, pour ceux qui ont pris l'émission que cette saison, d'ailleurs, on vous salue à vous. L'année dernière, comme la saison était vraiment toute flinguée, toute pourrie, toute naze, on a dit on va kiffer pour la fin de saison, on va faire les GA Awards. C'est très simple, on crée une dizaine de catégories. Évidemment, c'est de l'humour, c'est de la vanne, il n'y a rien de sérieux, faut pas le prendre parce qu'à l'époque, ça avait certains trucs qui ont été pris un peu premier degré. Autant vous dire que la bandelette d'or, elle est pour Touré de suite, il n'y a même pas de vote. La bandelette d'or, c'est Touré. La bandelette d'or, elle n'était pas passée l'année dernière. Elle n'était pas passée, c'était Sartic qui l'avait eu. La bandelette d'or cette année, bon voilà, ça sera Touré, on vous le dit de suite, il n'y a même plus de suspense. Donc on fera des. Il y a certaines catégories qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître, on va adapter un peu le truc. Et vous aurez donc une dizaine de catégories, on vous proposera tout sur Facebook, Twitter, vous pourrez voter, il y aura plusieurs jours, plusieurs semaines pour voter pour chaque catégorie. Et on fera une émission spéciale, GA Awards, avant de partir en vacances au mois si de juillet. On peut faire un duplex, franchement. Et, on élira donc, voilà, on élira certains joueurs. Alors, j'ai plus toutes les catégories en tête, mais il y avait, il y avait la bandelette d'or, il y avait pour le mec évidemment qui est tout le temps blessé. Enfin voilà, c'est des petits trucs comme ça rigolo, il n'y a rien de sérieux. Et on vous proposera de voter. Alors, je vous cache pas que cette année, autant l'année dernière, on avait été très inspiré parce que vu l'état de la saison entre les bagarres, les machins, on l'avait fait ça, je crois, en une nuit, on avait quasiment tout bouclé. En une soirée, on avait tout fait. Les visuels, les trucs, les machins. D'ailleurs, les visuels, tiens, faudra que tu reprennes ça. Je pense qu'on va garder certaines catégories qui sont toujours d'actualité, comme la bandelette d'or, par exemple. Puis je pense qu'il y en a d'autres qu'on peut peut-être réadapter. Cette année, on va peut-être pouvoir faire le meilleur joueur de l'année. Oui. Pour le coup, on fera des trucs positifs aussi, qui seront pas que de la vanne, meilleur joueur de la saison. Non, mais l'année dernière, il n'y avait pas eu le meilleur joueur. On n'avait pas fait le meilleur joueur de la saison, si tu veux. Mais là, c'est peut-être pour. Voilà, il y a Kinder, par exemple, qui ne connaissait pas, qui dit je vous écoute depuis peu, et donc qui ne connaissait pas le concept. Tu vas voir, c'est très simple. Il n'y a rien de sérieux, c'est juste pour se marrer un petit peu en fin de saison, histoire de se marrer. Allez, messieurs, les phrases de fin, et on se quitte là-dessus. Adrien. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Ça doit pas être ça, je pense. C'est très. Merci. C'est très rien. Fort. Thomas. Ouna titulaire face à Marseille. On y croit. Alerte au gogol. Chichavane. Alerte au gogol, les enfants. Non, mais moi j'y crois, car c'est notre projet. Oh oui. Prends jingle en préparation. Non, mais il n'y a pas Ménez avec. Cyril. Ta phrase de fin, comme d'habitude. Je vais la changer, non ? Parce que je vais en faire une deuxième. Il n'y a pas Ménès avec. Alors, Macron, je vais faire Didier Sénac, le seul, l'unique Didier Sénac. Et le deuxième, c'est Vada Retro Marseillas. C'est une très belle phrase. Gentil, bien trouvé. Je la garde depuis un moment, celle-là. Allez, et pour ma part, ça sera comme d'habitude. Girondin, c'est pour toi que tu joues, mais c'est Bordeaux que tu représentes. Merci à vous de nous avoir suivis, que vous soyez sur le chat. Amis chatter, merci à vous de nous être fidèles, que vous soyez dans votre voiture, derrière votre autoradio, dans votre maison, n'importe où, voilà. Ou que vous soyez dans le bus, dans le tram, si vous arrivez à capter. On vous remercie. On se retrouve, nous, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. On se retrouve vendredi, donc 21h-23h. Juste après devant le match et puis voilà pour parler de Marseille. Bonne semaine, bonne soirée et allez Bordeaux.